la chapeau. Oh les là. Misère. Ngamba. Onos. Limbambe. François Kingo Tolo, Simplice Bonzenga, Mama, Natuni adresse na Bakai, Balobi Outa Planète Venise. Bienvenue Simplice, bienvenue Françoise, Simplicité Locola Mai, Inodor, Incolor, Décidé, Lévrié. Ali Balobi Nanga, Osala Transit de la Planète Terre, Nathalie Boté à Mwana Oyo. Boka mobimba bamonite. Bienvenue Simplice. Bienvenue Françoise. C'est qui s'en a comme un sourire. Angéna Madolé. Par rapport à Nazate. Sokyo koloba nanga. Lobata par télépatinga na koyoka. Omeyembia Ibrahim. Simplice Kingo Tolo. Françoise Bozenga, Mama, Bata Yamisolo, Bakeinae, Basaleli et Trône na Basilique, Ba pronostike Balobi Angelou, Minele Baindo, Ba visiteye, Batali Bote Amwana, Oyo Mokili Mobi, Baba Monite. Bienvenue Simplice, bienvenue Françoise, Sukiamoto, Loko, La Neige, Dende Ben, Dende Lancé, Corpi Lancé, Charme. Soki okoke sa bolingo e bongyo tala mpenga. Bona kinyo yo mobimba yo kwente di bogose. Kima sukula ye na Germain koso. Yo moni niko mongo ye na jile onyeze. Valante Valmake ye na mabanza ondo. Bienveni Simplice, bienveni Françoise. Simplicité loko la mai. Soki olingi kobala ebongi obanza mpenga na mokilo yo mobimba yokoni di bogose oma Christophe olela ye na Didier Kongolo Lusechako olela ye na Florifa Mutumbi mabila douce bienveni Simplice bienveni Françoise. C'est qui s'en a qu'à moi sourire, Angéna Malolé, par rapport à Nazaré. Ali Balobinanga, Bossa la transite de la planète Terre, Nathalie Moté, Mwana Oyo, Mokili Mobimba Bamoni. Bienvenue Simplice, bienvenue Françoise, Sukiamoto Loko la Neige, Dende Ben Ferrier lancé, pour lui lancer Charmé. club 5 sur 5, la grande marché centrale. CCF, service central de Fred Nalwanda.